Plutôt qu'un autre. Et c'est là où on commence à composer, c'est le son choisi qui après va devenir l'aimant de ce qui va arriver. Une sorte d'exercice mental, tai chi musical. Moi, je fais chanter les aspirateurs. Chères auditrices et auditeurs de Canal B sur le 94 FM, bienvenue dans l'Asile le plus sûr, votre programme de thérapie sonore agrémenté de quelques électrochocs diffusés également sur internet à partir du site asile35.blogspot.fr ou encore du mixcloud.com/redman. Cette semaine, troisième et dernier volet de notre feuilleton de l'été consacré à l'homme qui a fait chanter les aspirateurs depuis un peu plus de 60 ans, le compositeur concret Pierre Henry, à l'occasion de la parution un peu avant l'été d'un énorme coffret vinyle collector qui contient pas moins de 10 33 tours et qui se présente comme un livre ouvert sur une partie de la carrière de cette figure des musiques électroniques et électroacoustiques. Coffret qui a pour titre Choix d'œuvres de 1950 à 1985. Dans les deux premiers volets de notre série, nous avions décortiqué minutieusement les années 50 et 60 Nantes de Pierre Henry. Et cette semaine, je propose une programmation à partir du début des années 70 et qui s'étendra jusqu'à aujourd'hui avec des disques et des pièces des années 90 et 2000 en fin d'émission, puisque le père fondateur de la musique concrète continue en effet de créer à peu près une à deux pièces par an. Il sera d'ailleurs présent au lieu unique à Nantes pour la prochaine saison, la saison qui démarre, la nouvelle saison culturelle, le 26 mars 2016. Très exactement, il y présentera sa nouvelle création, Étude transcendante pour un piano imaginaire, une pièce qui sera donnée aussi à Paris, à la Gaîté Lyrique, les 13 et 14 novembre prochains. Tout ça dans le cadre des rencontres imaginées par Christian Zanesi du groupe de recherche musicale et Arnaud Robotini, le musicien électronique, une session de rencontre entre scène électronique actuelle et les compositeurs des musiques nouvelles contemporaines. Tout ça sous le nom de Marathon. On aura l'occasion d'en reparler dans cette même émission. Mais on va attaquer avec une pièce du début des années 70 et le fameux Corticalar, qui était un appareil qui avait été inventé par le chercheur et musicien Robert Lafosse, qui était un pionnier de l'action culturelle d'avant-garde, qui était directeur du festival Sigma à Bordeaux, qui a existé pendant une bonne trentaine d'années. Alors le Corticalar, c'est un dispositif électronique capable de traduire les ondes électriques du cerveau en son à partir d'un jeu d'électrodes fixées sur le cuir chevelu. Et suivant les ondes alpha ou bêta, ça se mettait en branle par un système de générateur de sons électroniques. Et Pierre Henry a fait pas mal de sessions de Corticalar au début des années 70, des improvisations musicales live électroniques sur scène devant un public, vous imaginez bien, totalement médusé. Il était à l'intérieur d'une cage de Faraday grillagée avec des électrodes sur la tête, des lunettes noires, et devant le public trônait un écran de télévision qui retransmettait l'image de son visage zébré de bleu pour les ondes alpha et de rouge pour les bêta. Donc un certain nombre de séances publiques assez célèbres à partir de 1971 et aussi deux disques sortis par Philips. Et je propose d'attaquer avec la mise en musique du Corticalar de Roger Lafosse, un disque Philips 1971 dans la fameuse collection prospective du 21e siècle et une pièce qu'on retrouve dans son coffret qui vient de paraître aux éditions Vinyle en demande, le coffret choix d'œuvre 1950 à 1985, donc la version d'origine mais avec une rythmique pour le moins sympathique que Pierre Henry lui-même a rajouté en 2003. On écoute ce titre, Lévitation, par Pierre Henry, extrait du Corticalar. Frasque sonore de Pierre Henry dans l'Asile le plus sûr avec ce troisième épisode de notre série. Les deux premiers sont évidemment podcastables sur le blog asile35.blogspot.fr. Et on a démarré avec ses expériences avec son encéphalomogramme qui émettait des sons bizarres, le corticalar inventé par Robert Lafosse, avec lequel il a fait donc une dizaine, vingtaine de séances publiques à partir de 1971 et même jusqu'à la fin des années 70. Il le réutilisait dans d'autres spectacles, ce fameux dispositif assez incroyable. Et la publicité de l'époque des concerts était pour le moins mystificatrice. Pierre Henry, la musique en direct de son cerveau, quelque chose comme ça, alors que c'était somme toute un peu biaisé, ce genre de dispositif. Pierre Henry, avec ses électrodes produisant certes certains sons, mais utilisant aussi des séquences pré-programmées. En tout cas, le résultat visuel du spectacle devait être assez incroyable, vu le succès que ça a eu. Il y a eu 2-33 tours qui sont sortis. Celui qu'on écoutait tout d'abord, extrait donc de ces mises en musique du corticalar de Roger Lafosse, sorti par Philips en 1971 et qui a récidivé en 73 avec une session enregistrée au Congrès international d'électroencéphalographie et de neurophysiologie clinique de Marseille, rien que ça. Et ces deux disques n'ont pas été réédités, donc c'est un vrai plaisir que de les retrouver dans ce coffret collector d'ILP Pierre-Henri Choix d'œuvre 1950 à 1985, que vient d'éditer le label VOD. Et on a enchaîné avec une pièce assez rare aussi, Virevoltage, extraite d'un autre vinyle non réédité, Machine Dance de 1973, toujours chez Philips, qui est son éditeur habituel. Machine Dance, qui est un disque calibré à l'époque pour rééditer le succès de ses jerks électroniques et qui regroupe des extraits assez accrocheurs du ballet Kildex, comme ce Virevoltage et aussi du spectacle Cérémonie numéro 2. Il y a des pièces qui font presque penser à du Hautecre, Haute-Cœur, ou du Haute-Cœur, pour le prononcer un peu plus correctement. Donc, des titres plutôt pas mal, disque forcément assez dansant, avec une belle boule à facettes sur la couverture. Kildex, qui est un spectacle d'art total que Pierre-Henri a commencé à concocter en 1971-72. C'est une commande de l'Opéra de Hambourg qui a été créée en février de l'année 73. C'est l'époque où Pierre-Henri commence à faire tout un tas de grands cycles assez monumentaux et assez grandioses aussi sur les bords, qui mélangent danse, musique concrète et sculpture lumineuse de Nicolas Schorfer, qui était un artiste cybernéticien avec lequel Pierre-Henri collaborait depuis les années 50, un mélange entre lyrisme et abstraction. Et Pierre-Henri a tiré différentes versions de ce spectacle, une longue suite et aussi une plus petite sous le nom de Prisme, qui est sortie en 33 tours en 1975. Donc une pièce entre œuvre cinétique et pop art, et spectacle lumino-dynamique qui comportait un ballet composé non pas par son acolyte habituel Maurice Béjart, mais par Alvin Nicolaïs pour Kildex. Donc une œuvre d'art totale avec même des interactions avec le public, dont les réactions étaient réinjectées dans ce spectacle par le biais de caméras et aussi d'écrans de projection dans tous les sens. Donc 2 ans de travail pour Pierre-Henri, comme je vous le disais, et pas moins de 8 valises de bandes sonores pour ses multiples allers-retours entre Paris et Hambourg, notamment au cours de l'année 1972. Et apparemment, donc, c'est un spectacle pour lequel Pierre-Henri, il dit ça dans certaines interviews, il aurait souhaité composer des nouvelles couleurs de son. Il considérait au début des années 70, suite à toutes ces œuvres assez monumentales de l'époque de l'Apocalypse de Jean, toutes ces créations entre 67 et 70, il avait l'impression que ces sons commençaient à devenir ternes et un peu monolithiques, et donc il a voulu composer des couleurs de sons. Et effectivement, le ballet Kildex est assez chatoyant. Je propose d'écouter un extrait de cette version de 25 minutes qui se retrouve dans le coffret choix d'œuvre de Pierre-Henri entre 1950 et 1985, le ballet Kildex. Je vous laisse imaginer le résultat sur scène. Oh! Séquence pour bien se décrasser, nos portugaises ensablées sur l'antenne du 94 MHz en cette fin d'été et période de rentrée de septembre qui a démarré donc avec ces sons électroniques pour le moins barbares de Pierre-Henri de l'époque de 1972-1973. Tout d'abord un extrait du ballet Kid Dex, il y a des séquences assez variées, il y a de la voix aussi. C'est une œuvre assez monumentale, un spectacle un peu démentiel et démesuré comme aimait à les faire Pierre-Henri dans les années 70. Et donc le bal des Kildex qui se retrouve dans différentes versions, comme je disais, sur disque, soit sous le nom de Kildex, soit aussi sous le nom de Prisme. Il y a pas mal de disques qui sont sortis depuis les années 70 qui comportent des extrait de ce ballet assez légendaire et totalement cybernétique de Pierre-Henri, jusqu'à des extraits d'ailleurs dans le coffret mix. Et c'était enchaîné avec une pièce qui est devenue très très rare, la deuxième symphonie. Pierre-Henri considérant bien évidemment que la première était la symphonie pour un homme seul en compagnie de Pierre Schaeffer qu'ils avaient créée en 1950. 1950. Et sa deuxième symphonie date de 1972. Apparemment, il voulait créer un genre d'œuvre baroque avec la voix de la chanteuse Barbara. Mais ce projet a complètement capoté. Et donc, il a décidé de maintenir le projet avec une création qui était prévue au Cirque d'Hiver à Paris, dans un spectacle totalement auto-financé par Pierre-Henri lui-même, sous le nom de la Piste aux sons animés, avec trois représentations par jour, dont d'ailleurs des performances au Corticalar. Et Pierre-Henri se paiera même le luxe de s'acheter la couverture de Pariscope pour la promotion de ce spectacle, la Piste aux sons animés. Mais le public n'a pas été vraiment au rendez-vous et les critiques n'ont pas été très enthousiastes non plus. Donc ça a été un semi-échec, pour ne pas dire un petit flop pour Pierre-Henri, après pas mal d'autres succès publics fin 60 et aussi début 70. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que cette seconde symphonie est vraiment très très baroque, puisque fabriquée entièrement à partir de sons Larsen enregistrés dans la chambre sourde de la société Cabas, la fameuse société brestoise qui appartient d'ailleurs au groupe Canon, si je ne m'abuse. On va enchaîner dans ces sélections autour des frasques sonores de Pierre-Henri avec une autre pièce des années 70 assez légendaire. Il s'agit de Futuristi de 1975, manifestation sonore et visuelle en hommage à Luigi Russolo. Une pièce d'une heure et demie au départ pour la version pour la scène, qui avait été créée d'ailleurs le 16 octobre 1975 pour l'inauguration de la nouvelle scène du Théâtre National de Chaillot, une œuvre enregistrée et produite en collaboration avec Bernard Bonnier, qui était le collaborateur et assistant de Pierre-Henri entre 1972 et 1976, un électroacousticien plutôt méconnu. On le connaît un petit peu quand même pour son disque bien nommé, le disque Casse-tête. Et donc cette pièce en hommage à Luigi Russolo, peintre et poète futuriste, auteur du fameux Art des bruits en 1913, mais c'est un hommage plutôt oblique. En effet, Pierre-Henri et son acolyte Bernard Bonnier ont recréé les fameux bruiteurs, glouglouteurs, stridenteurs et autres renacleurs chers aux futuristes et à Russolo, mais ils les ont recréés plutôt sous la forme de calebasses, de caisses de résonance et d'amplification pour leur son fixé sur bandes magnétiques, qui étaient aussi agrémentées d'ailleurs sur scène d'autres instruments tout aussi truculents qu'une baignoire, des tuyaux en laiton et autres chaudrons en cuivre qui servaient à diffuser des sons exclusivement préparés à partir de sources acoustiques enregistrées dans le sous-sol de la rue de Toul, le studio et la maison de Pierre-Henri, et des sons donc entièrement acoustiques à partir de plats en argent, de trompes d'auto, d'œufs en porcelaine, de galets, de cailloux, j'en passe, et des meilleurs. Donc une manière de faire chanter les sons finalement pas si éloignés des débuts de Pierre-Henri aux côtés de Pierre Schaeffer. Et la grande nouveauté de cette pièce Futuristi, c'est surtout l'utilisation donc de cette lutherie sauvage acoustique assez brute. Plus du tout de son électronique pour cette pièce de 1975, mais un genre de polyphonie foisonnante. On va écouter donc un extrait pour se rendre compte de ce que ça pouvait donner cette œuvre Futuristi, qui là encore est très bien documentée sur disque. Il y a eu pas mal d'éditions jusqu'au coffret mix. Elle se retrouve pas dans ce coffret vinyle, mais on la retrouve dans pas mal d'enregistrements et de rétrospectives de Pierre-Henri, qui a ramené d'ailleurs cette nouvelle version discographique à 1h10. et elle est décomposée en 11 mouvements désormais. Et je propose d'écouter le mouvement Schisme, extrait de ce Futuristi par Monsieur Pierre-Henri. Oh, sells seashells down by the seashore. Sister Susie sells seashells down by the seashore. Satan parle. Ton splendide univers, chef-d'œuvre de ton Dieu. Ce barbouillage d'or, de noir, de vert, de bleu, parlons-en. Ô songeur, ton Dieu ne sait rien faire. Il n'est qu'un maladroit qui je me préfère. On te l'a dit, tu l'as remarqué. Sa création boite et son monde est manqué. L'éclipse, choix sur l'astre et la nuit sur l'aurore. Tout meurt, tout s'entretue et tout s'entredévore. Tout ce qui épargne un bec tombe sous une dent. Le meurtre est toujours là, guettant l'être et rôdant. En somme, un Satan pire. Le vice humain contient toute la nuit en germe. Tout est défiguré par un vice. Partout le côté monstre auprès de la face prodige. Où le lustre apparaît, le stigmate s'attache. Vois que fait le plus grand, où descend le premier. L'aigle vit de charogne et le coq de fumier. Pour vous, le point de vue économique est tout au siècle utilitaire. L'enfer est une force, que diable, à la bonne heure, un purgatoire usine. Vous dites un damné, caisse du combustible. Et vous ajusteriez des bouches de chaleur au foyer monstrueux de l'immense douleur. Vous emploieriez l'enfer au chauffage du monde. Ah, l'idée sublime, admirable et féconde, j'applaudis. Le tourment des damnés exploités, leurs fournaises occupées à vous faire l'été. Le mal sans fin placé comme un tison qui fait bouillir une marmite. L'abîme flamboyant, distribuant là-haut le trop-plein des colères, des peines, des sanglots du courroux divin, en caloriques utiles à sucrer votre vin. Et par moments, l'étrange et fauve Lucifer, sortant de quelque Etna, la face charbonnée comme le ramoneur sort de la cheminée, l'enfer bagne. Taisez-vous, l'enfer n'est pas Poissy. Or l'incré voulut engendrer l'immortel. Il fit l'âme et l'a mis dans l'homme. Les vices meutent infâmes autour de l'âme à poids. Toute l'humanité teinte comme un beffroi, partout l'horreur, le râle, le rire. Toute bouche est ulcère, un bruit monstrueux sort de toute la terre. Satan alentour vole et plane. Damné, damné, damné, damné, damné, voilà le cri que chaque dogme en son abîme pousse. Satan passe, je crois voir tomber une pierre. Chute de l'ange, alors ce fut horrible, et l'obscurité vint, et la clarté décrue. L'éclatant Lucifer plein d'astres disparut et Satan fut. L'enfer fut créé de la sorte en roulant sur ses gonds la nuit. Ce monde noir sortait de l'ombre en rugissant. Alors, Satan accourt, écumant de ténèbres, rugissant, hideux, immonde. Son apparition avait on ne sait quoi d'horrible et d'aveuglant. Le regard lui sortit des yeux comme d'un crime. Sa bouche souriait avec un coin sanglant. Tout ce qu'on lui disait le rendait plus terrible. On sentait qu'à travers les échos grossissants, la voix perdait sa note et les phrases leur sens à la difformité d'une oreille sinistre. Son front était le registre d'une âme noire. À mesure qu'Adam mordait le fruit, Satan mordait Adam. Satan, incendiaire d'âme. Satan est une chair dont l'homme est l'épiderme. Dieu immense, le démon énorme. Oui, ta science. Parlons-en, moi, Belzébuth. Le bouc, le diable, le vieux Nick, je risse à la terre. Satan dit, moi, l'esprit, que veux-tu que je fasse du pardon ce mammifère? Le démon dit, religions au pluriel, vanité, guerre, haine, erreur, fraude, vol, homicide, j'ai sur le genre humain versé tous ces acides. Parole du grand ange, crois-tu que je crains Satan, ce grimacier? Nouvelle séquence de création sonore de Pierre-Henri, assez fantabulesque. Pierre-Henri qui est à la fête dans l'asile le plus sûr, toute cette émission. Troisième volet, dernier épisode du triptyque que nous lui consacrons. On a démarré avec Futuristi de 1975, en hommage donc à Luigi Russolo, avec une pièce plutôt vocale, pas du tout de ce que je vous racontais. De ce qui se passait sur scène avec les bruiteurs et les sons acoustiques. Il utilisait aussi d'ailleurs du piano préparé et différentes petites percussions. Là, c'était plutôt les voix avec des belles voix de canard comme les aime Pierre-Henri, qui était enchaîné avec une rencontre entre l'univers sonore de Pierre-Henri et, comment dire, le souffle hugolien, ce qui était une rencontre qui devait arriver. Ils ont un caractère assez proche, ces deux-là. Pierre-Henri, auteur de l'Apocalypse de Jean, et Victor Hugo, de la Légende des siècles. Et c'est l'époque des années 70 où Pierre-Henri veut créer une œuvre assez démesurée, avec donc ses spectacles dans tous les sens, ses œuvres d'art totales, et des cycles assez grandiloquents, tels que Kildex, Enivrez-vous, le parcours Cosmogonie, les noces chimiques, et donc ce projet Dieu de 1977, qui est un très vieux projet qui a ressurgi avec la découverte par Pierre-Henri du clown comédien Jean-Paul Faré, qui était quelqu'un d'assez étonnant, qui faisait tout autant du mime du clown que l'interprétation de textes classiques. Il était pour le moins capable d'incarner ce drame électroacoustique créé par Pierre-Henri à partir de milliers d'alexandrins pour lesquels il a fait du cut-up. Pierre-Henri qui connaît très très bien l'œuvre de Victor Hugo et qui a mis en œuvre ce chantier poétique qui a donné lieu à pas mal de représentations. Ce sont des représentations qui ont fait pas mal de sensations, beaucoup de succès public, notamment à Lille en décembre 1977, et elles seront d'ailleurs reprises plus tard à Paris. Et comme toujours pour ces créations des années 70, d'ailleurs, juste pour signaler, Pierre-Henri mettait aussi souvent en scène des shows avec Rayon Laser par le groupe Laser Graphique, groupe assez célèbre des années 70 et années 80. Et donc cette création Dieu qui donnera aura lieu à un 33 tours sorti chez Philips en 1978, mais un 33 tours assez étonnant parce qu'il y a juste les structures sonores sans le récitant Jean-Paul Faré qui a été gommé de l'enregistrement, et une version CD paraîtra bien plus tard en 2007 dans le coffret Mix 4 de chez Philips début 2000, où on y retrouve cette fois-ci le narrateur. Et à noter aussi qu'ils ont rejoué cette pièce sonore en 2009 lors des concerts de Pierre Henry chez lui. On va continuer avec un autre cycle de Pierre Henry et la pièce Paradis perdu, inspirée par Milton, un spectacle chaotique et rituel de 1982 qui était à l'origine une proposition du Festival de Roman. Spectacle total encore avec Pierre Henry en compagnie de l'orchestre de saxophone minimaliste répétitif Urban Sax mené par Gilbert Hartmann comme de juste. Ils ont fait deux créations quasiment coup sur coup en 80 et 82. Il y a eu les Noces chimiques tout d'abord qui était un projet qui là était très très dans l'esprit de ces créations qui mélangeaient un peu tout un tas de types de formes artistiques, et donc le Paradis perdu deux ans après qui est une œuvre peut-être un peu plus mineure. Et à noter que cette œuvre a donné lieu à un enregistrement de Pierre Henry et Urban Sax non réédité à ce jour, qui est complètement différent de la version que je propose ce soir, qui a été refondue par Pierre Henry et qui se retrouve sur ce coffret choix d'œuvre du label Vinyl en demande 1950-1985. Je propose d'écouter un extrait de ce Paradise Lost ou Paradis perdu, suite des Noces chimiques. On n'entendra pas l'orchestre Urban Sax de Gilbert Hartmann. Par contre, on retrouve un peu les percussions de Pierre Henry, lui qui est de formation piano et percussion classique, piano préparé et percussion contemporaine. Et ça s'entend dans cet extrait du Paradis perdu de Pierre Henry. Thank you. Sépulcre chanta. Je suis le ver, je suis fange et cendre aux ténèbres, façade de l'immense orgueil humain, sanctuaire chargé d'astres. Splendide profondeur des colonnes dorées, jardin, portique, acropole où l'on vient des confins de la terre monter, monter davantage, superposer l'étage et l'étage à l'étage, et le dôme aux cités monter. Sur votre base écraser les campagnes, plus haut que les forêts, plus haut que les montagnes, monter encore, monter, monter, monter, soyez comme Babel, âpre, indigné, austère, cette tour qui voudrait échapper à la terre, ne vous arrêtez pas. À monter encore, encore. Mettez le palais sur la cave, le néant sur la nuit. Ne vous arrêtez pas, montez, montez encore, encore. Moi, je rampe, j'attends. De l'aurore et du sud et du nord, tout vient à moi, la chose gaie, la chose triste, et seul je vis, et seul j'existe, puisque je suis la mort. Pierre-Henri Purju sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr avec une triplette de titres enchaînés qui a démarré avec les structures un peu brinque-ballantes qui faisaient presque penser d'ailleurs à de la musique balinaise de ce paradis perdu qu'on retrouve sur le coffret vinyle en demande choix d'œuvre 1950 à 1985 qui était enchaîné avec le Hugo Symphonie bien plus tard de 1985, une œuvre monumentale présentée en 4 cycles et 5 créations différentes dans 5 villes. Le prologue a été créé à Besançon, la terre à Strasbourg, l'air à Lille, le feu à Metz et l'eau à Radio France. Et l'ensemble de ces parties, de ces 4 cycles, a été diffusé en décembre de l'année 1985 sur l'antenne de Radio France dans la nuit du 23 au 24 décembre, donc les 6 heures que regroupent ces 4 cycles de Hugo Symphonie. Et c'est vrai que Pierre-Henri a fait une vraie rencontre avec Hugo. On retrouve un peu le souffle de son Apocalypse de Jean sur sa pièce Dieu ou encore ce Hugo Symphonie pour lequel la récitante était cette fois-ci Martine Viard, interprète privilégiée d'Apergis et qui mélange donc partie dite avec Sprechgesang et une voix d'ailleurs qui fait pas mal penser à celle de Colette Magny. J'aurais bien aimé que Colette Magny collabore aussi avec Pierre-Henri. Maintenant c'est un peu tard puisqu'elle a cassé sa pipe il y a de ça 20 ans et donc Martine Viard qui prenait le texte de Hugo sur ce Hugo Symphonie. Les parties chantées sont un peu plus faibles. Et juste pour vous signaler que l'intégralité de ce hors-spiel radiophonique qui n'a pas été diffusé in extenso depuis, qui n'a pas été édité d'ailleurs sur disque, est entièrement téléchargeable sur le net, sur le blog chronophonix.blogspot.fr. Je mettrai le lien sur le site de l'émission d'ailleurs, asile35.blogspot.fr. Et donc c'est quelqu'un qui a enregistré ça à l'époque avec ses petites cassettes qui a veillé très très tard dans la nuit du 23 au 24 décembre. Il n'a pas vu le Père Noël, mais il a entendu l'intégralité de ce Hugo Symphonie. Et donc il a numérisé l'ensemble de ses bandes et les propose en MP3. Donc je mettrai le lien sur le site de l'émission. Il y a eu juste deux parties en fait qui ont été éditées sur disque, la goutte d'eau qu'on retrouve dans le coffret mix et deux faces, donc deux extraits du cycle qui se retrouvent sur le coffret qui vient tout juste de paraître sur Vinyl On Demand. Et là, ce qu'on entend en fond sonore qui termine la séquence, c'est le Livre des Morts Égyptiens, une bande de 1990 qui a été créée à l'Auditorium du Louvre, une pièce sur informatique musicale à partir de la fameuse machine de traitement de son de l'IRCAM pour ordinateur, la 4X. Et il s'agit là en l'occurrence d'un très vieux projet, le pendant du Bardo Todol, le Livre des Morts Tibétains, le voyage de 1962 de Pierre Henry. Et donc il a commencé à travailler sur cette pièce vers 1984. Il y a eu une première version qui a été donnée et la commande de passer par Boulez de travailler sur cette lutherie informatique a abouti à cette création qui a des sons un peu années 80 comme on peut l'entendre en fond sonore, peut-être un tantinet désuet, mais par contre l'esprit musical de Pierre Henry est bien là. On va continuer avec une pièce radiophonique. En effet, Pierre Henry à partir du milieu des années 80 commence à s'acheminer assez sérieusement vers des créations sonores pour la radio, des Hörspiel commandés notamment pour la fameuse station WDR, la station nationale ouest allemande de Cologne. Il y a créé notamment L'homme à la caméra, La ville métropolis, Le journal de Maison, la pièce Cristal ou encore la pièce Mémoire avec Anna Chigoula. Radio France ne sera pas en reste non plus, puisque en dehors de Hugo Symphonie, ils diffuseront l'intégralité du feuilleton Mal d'Aurore en 50 épisodes à l'antenne entre 1991 et 1992, 8 heures au total de Pierre Henry. Mais là, je vous propose d'écouter Les Petits Métiers, une création sonore pour l'antenne de la WDR de Cologne, datée du 21 novembre 1995, avec comme source d'inspiration les musiques de films. C'est totalement inédit sur disque, cette pièce, ça n'a pas été réédité depuis. Je propose d'écouter le démarrage des Petits Métiers par Pierre Henry. Yeah. Thank you.

séquence de trois titres enchaînés, séquence assez radiophonique de Pierre Henry avec des œuvres récentes. Tout d'abord, Les Petits Métiers, alors c'est pas très très récent, c'est milieu des années 90, cette création radio pour la WDR de Cologne qui était enchaînée avec Le Voyage Initiatique de 2005, pièce créée dans sa maison de son dans le 12e arrondissement en mars de l'année 2005, donc son mythique studio Son Ré, où il habite depuis pas loin de 30 ans, un disque assez ethno, avec des sons de gamelan et ce genre de choses, musique assez hypnotique, voilà, et ça a été édité en CD, et là on entend en fond sonore Le Labyrinthe, concert historique du GRM de la salle Olivier Messiaen du 29 mars 2003, pour fêter les 75 ans de Pierre Henry, une expédition sonore en 10 séquences commandée par Radio France sur une idée originale de Christian Zanesi. Les compositeurs du GRM ont donné des sons à Pierre Henry qui a fait donc une création à partir de cette tambouille sonore, et c'est plutôt vraiment très très bon, Le Labyrinthe. Alors j'avais prévu de vous passer beaucoup d'autres choses aussi, intérieur, extérieur, qui était la première création pour son cycle Pierre Henry chez lui. Je voulais aussi vous passer une pièce de 2010 qu'on retrouve sur le coffret Odyssée sous le nom de Envol, mais là je vous propose de terminer avec une pièce totalement inédite à la radio. Il s'agit de son Miroir du Temps, qu'il avait aussi créé dans le cadre des concerts Une Heure chez Pierre Henry, programmé par Paris Quartier d'été en 2008, une pièce de 23 minutes que j'ai eu l'occasion d'entendre sur scène. Et ce que vous allez entendre, c'est la captation de cette pièce que j'ai faite. C'était un concert de Pierre Henry au musée des Beaux-Arts de Quimper le 24 septembre 2008, dans le cadre d'une exposition consacrée au peintre Jean de Gotexte. Il avait joué sa vieille pièce Investigation sur des peintures de Gotexte de 1959, et il avait proposé cette création Miroir du Temps qu'il venait juste de composer. Et puis il avait conclu d'ailleurs par ses jerks électroniques remixés à la fin. Cet incorrigible Pierre Henry. Et je vous rappelle qu'il créera sa nouvelle pièce étude transcendante pour un piano imaginaire qui sera donnée donc au lieu unique, notamment donc de Nantes, le 26 mars 2016. On aura l'occasion de reparler de cette soirée sous le nom de Marathon. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme et des sélections, les playlists, les podcasts, les écoutes en streaming à partir du site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Les trois émissions Pierre Henry sont intégralement écoutables, podcastables, de même que l'ensemble des émissions depuis 2 ans. Retour à la normale des programmes avec la nouvelle saison de l'Asile dans le courant de la semaine prochaine, donc à partir de lundi pour de la actu sonore comme s'il en pleuvait. Je vous souhaite d'ici là une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, et on se quitte donc avec ce Miroir du Temps par Pierre Henry.